Perché de Calédonie, me la bête sourue d'orage, dû t'attendre bien à l'abri que s'enfuit les gros nuages. Nya, nya, nya, nya. Bonjour à tous, c'est l'heure de... On s'écoute ça tout de suite, on est ensemble pour environ 1h30 de musique, et je dis bien ensemble évidemment, parce que je forme avec lui le onde, on s'écoute ça tout de suite. Bonjour Noé, comment vas-tu? Bonjour Vincent, ça va très bien. Ouais, donc aujourd'hui, pas d'invité, on est rien que nous deux, entre amoureux, et bon c'est anniversaire ça. Merci même beaucoup. Même si c'était hier, mais bon, voilà, je tenais à le dire dans l'émission. Ça me fait plaisir. Ouais, très rapidement, avant de commencer, un petit message de service, parce que nous avons migré l'émission sur le service PodCloud. PodCloud. Voilà. C'est sur on s'écoute ça tout de suite pour un podcloud.fr où vous retrouverez les épisodes et le flux RSS. En parlant de flux RSS, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça marche? Comment ça marche? Alors, c'est très simple. Vous avez un smartphone, vous avez un petit peu de temps devant vous, pas beaucoup. Vous avez 5 minutes devant vous et vous avez le Play Store. Vous allez sur votre Android, Play Store, hein. Ou ouais, pour Android, parce qu'il n'y a pas sur. Windows Phone, il n'y a pas, non. Et sur Apple Sûrement, ouais. Non, je crois pas. Non, bon, c'est très élitiste, on sait, mais voilà. Vous allez dessus, vous téléchargez l'application Podcast Addict. Vous allez voir, c'est une application qui est orange, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la première en arrivant. Et ensuite, une fois que vous avez téléchargé cette application très très bien, que je recommande vivement, vous allez sur Ajouter un podcast et vous appuyez. Alors là, il faut que vous rentrez en fait le nom de notre flux RSS. On s'écoute ça tout de suite. podcloud.fr/RSS. Voilà, c'est quand même et assez ça, simple. Vous serez inscrit au flux, vous pourrez télécharger les émissions et les écouter sur votre téléphone. Exactement. Ou votre tablette. Ce qui fait que dès qu'une nouvelle émission sort, vous aurez un petit gling gling. Il y a une nouvelle émission, on s'écoute ça tout de suite. C'est possible de l'écouter. Parfait. Donc après ce petit message de service, Noé, dis-moi quel sujet nous allons aborder aujourd'hui. Eh bien. On avait déjà traité pas mal de chansons de ce sujet dans la dernière émission, mais vrai, on a vrai. Voulu s'étendre un peu plus sur le sujet parce que ça nous tient à cœur. On parle des années 2000. Années 2000, parce que j'avais 9 ans, moi, en 2000. Et toi? Et moi, j'avais 5 ans. Putain, mais je m'en souviens très bien, hein, les cotillons et tout ça, du passage de l'an. Alors, c'est les années 2000, nos années 2000. Voilà, c'est un peu mélangé. Est-ce qu'on va avoir des morceaux un peu plus cultes, plus cultes pour nous, plus cultes dans l'ensemble. Voilà, des morceaux, juste des morceaux qu'on aime aussi. Exactement. De 2000 à 2009. Et donc, on avait une sacrée playlist au début, on avait 7 morceaux, mais on a craqué, on s'en est accordé un petit 8e, hein, désolé. Mais bon. C'est un peu notre gourmandise, parce que le thème nous tenait vraiment à cœur. Bref, on a beaucoup de travail, donc je te propose qu'on commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec le groupe, peut-être le groupe de rock le plus emblématique, au moins du début des années 2000. C'est vrai. J'ai nommé les Strokes. Alors, avant les Strokes, il n'y avait rien. Vraiment, vraiment rien du tout. Nous, on est en 2001, et... Il y a un ouragan rock'n'rollesque qui se présage, qui arrive tout droit de New York et qui va envahir le monde de la musique. On s'écoute ça tout de suite, les Strokes, Is This It. I'm just way too tired. c'est donc le morceau dont le premier album des Strokes tient son nom. Il s'appelle Is This It. Pour beaucoup, ce dernier, le premier album donc, c'est un réel renouveau dans l'histoire du rock. C'est important de commencer par celui-là, notre playlist des années 2000, parce que la plupart des artistes qui vont suivre vont s'en inspirer fortement, en tout cas pour ce qui est du rock. Hein. Rock, oui. Il y a qu'à voir rien que la pochette de l'album, c'est un gant de cuir posé sur une magnifique fesse de femme. Voilà, du cuir et du cul, ils avaient quand même tout compris. Mais c'est vrai que ça va avoir une grande influence, hein, même si on avait tous les cheveux longs dans les années 2000. Comme vous, nous deux. Tu avais les cheveux longs, j'avais les cheveux longs, vous aviez les cheveux longs. J'étais moche, putain. J'avais une raie au milieu à tous les coups. Et ben, c'est indirectement dû au stroke, je vous jure. Hein, franchement, je vous jure. Bon, pour parler de la chanson, les paroles sont assez jolies, mais le sens est assez obscur. Hein, ça semble parler d'une relation. Mais si vous avez des explications, hein, n'hésitez pas à commander l'épisode sur Facebook, parce qu'il existe une démo de la chanson avec une vieille boîte à rythme, genre un clavier Casio, là, comme il y a derrière nous, tout pourri, et il y a d'autres paroles, et qui laissent quand même présager que c'est une relation, mais je pense qu'il y a un double sens caché. Mais Julien de Casablanca s'est jamais expliqué. L'amour dans le rock, c'est vraiment une longue... et puis il parle de drogue, il parle d'une femme, il parle d'un homme, il parle d'un chien, on n'en sait rien du tout. Sinon on est vraiment dans le rock new-yorkais, hein, la Velvet Underground avec Television qu'on a écouté dans la dernière émission sur le post-punk, ce genre de choses, hein, ce dialogue entre les deux guitares et tout ça, enfin, voilà, ça t'aime bien ce toi, que le j'avais dialogue dit, entre les guitares, c'est ce que j'avais dit la dernière fois et tout ça, mais on en a parlé déjà dans l'émission de post-punk, donc je vais pas m'étendre dessus. Alors moi, je pouvais pas faire une émission sur les années 2000 sans parler de ce morceau, hein, ce tube. Que dis-je, ce raz-de-marée, hein, on est en décembre 2001. Et là, c'est le carton plein pour la chanteuse britannique Sophie Ellis Bextor. Alors, j'ai bien m'entraîné à le dire parce que j'arrive pas à chaque fois. Alors, tu te rappelles d'elle ou pas? Ah bah, tu nous en parles à peu près une fois par jour. Je sais pas pourquoi, mais ce morceau, mais je suis fou de ce morceau. Hein. Elle était très très belle à l'époque. Et je te parle ni plus ni moins. Elle est plus belle maintenant? Elle est un peu vieillie quand même. Hein. Bon, en même temps, il y a 15 ans. Voilà, c'est l'âge, elle a pris 15 ans. Hein. Et donc je te parle bien sûr de Murder on the Dance Floor, c'est donc le deuxième single de son deuxième album Read My Lips. C'est un morceau resté 33 semaines en haut des charts anglais, hein. c'est assez fou pour le dire. Le morceau qui était le plus diffusé en Europe en 2002. Voilà, encore un grand palmarès. Donc vous n'allez pas y échapper, Sophie Ellis Bextor avec Murder on the Dance Floor. On s'écoute ça tout de suite. Appréciez. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so. You all just have to pray. the dance floor. But you better not kill the groove. It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, hey, hey. It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Ah, tu la sens, cette disco dance pop, je sais pas trop comment la qualifier. Ah, clairement, ce morceau, c'est ma jeunesse. Hein. J'avais 10 ans à l'époque et c'est un morceau génial. Quoi. C'est un morceau écrit d'ailleurs par Greg Alexander, hein, qui était le frontman des New Radicals. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ah, pas du tout, non. Ah, c'est un groupe... parti politique. Non, c'était un groupe de rock alternatif américain à la fin des années 90. Il y avait leur grand morceau, c'était You Get What You Give. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, hein, justement. Et je sais pas si tu viens du clip de ce morceau, on assiste à un concours de danse où justement Sophie Lix-Bextor n'hésite pas à s'adonner aux pires bassesses, hein, pour dégager les concurrents, allant même jusqu'à les tuer, les empoisonner. Justement. Ah, Murder on the Dance Floor. Et oui, exactement. Et ça, moi, ça m'a rappelé un film, alors petite minute culture, tu vois, ça m'a rappelé un film de Sidney Pollack en 1969 qui s'appelle On achève bien les chevaux. On dirait le nom d'une émission de radio, tu sais. Ah ouais, bienvenue dans On achève bien les chevaux. Et on assiste dans ce film à un marathon de danse où les gens doivent danser le plus longtemps possible jusqu'à tomber de fatigue. Et c'est assez fou comme film. C'est un film assez dur et sur la folie du spectacle aux États-Unis. Et justement, ça m'a pas mal rappelé la folie qu'on voit dans ce clip comme ça. Donc, je sais pas si tu as vraiment apprécié le morceau, mais moi je l'ai apprécié. Hein. Je sais pas si tout le monde l'a apprécié, mais voilà, pour moi ça reste un incontournable des années 2000. Hein. Ouais, très bien, bah, moi je vais te laisser avec ta petite disco dance de côté et je retourne à New York parce que j'avais pas fini avec Big Apple, comme on dit en français, la petite poire. On est en 2002 et on retrouve un petit duo d'antifolk. Hein. L'antifolk, c'est un espèce. Ah, je croyais que c'était un duo d'antifreeze. Non, d'antifolk. C'est un espèce de mélange entre le punk et le folk. C'est assez. Bah, comme dirait Michael Youn, c'est le folk. Le frump. Et c'est I Forgot des Moody Peaches, la version live s'il vous plaît. On s'écoute ça tout de suite. Follow your star. Moi, ils m'étonneront vraiment toujours, hein, les Moldy Peaches, hein, que vous connaissez sûrement grâce au tube interplanétaire, que dis-je, intergalactique, Anyone Else But You. Bah moi, ça me dit pas grand-chose. C'est pas un truc qui était... Ah, d'accord, ok, j'ai rien dit. Et qu'on retrouve dans le film Juno, hein, par exemple, qui avait bien marché. Moi, je pensais à Garden State, je sais pas pourquoi, mais un autre groupe, en fait. Ouais, non, c'est un autre groupe, ouais. Non, ils ont vraiment fait le morceau qui a vraiment marché, c'est Anyone Else But You. Le band est donc composé d'Adam Green, chanteur, crooner, jeune, et Kimia Dawson, chanteuse à la très jolie voix, hein, qu'on entend sur la chanson. Le premier fait une véritable carrière solo à Adam Green. Après, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir sur les Moldy Peaches, hein, c'est que c'est un groupe culte de chez culte. Hein. Les puristes disent que les Strokes, ils ont pas du tout l'esprit de la scène new-yorkaise, alors que les Moldy Peaches, voilà, fighting power, New York, tout ça, quoi. Donc voilà, c'est ce que New York, avec ses grands buildings inspirés de la Seine-et-Marne, a engendré... Ah, ça me rappelle mon enfance en Seine-et-Marne. Exactement, ça. A engendré de plus cool. Je vous ai pris une version live d'I Forgot, parce qu'il existe plein de versions différentes. Hein. Ils ont fait des versions, par exemple celle de l'album est toute acoustique, il y a d'autres versions live plus cool, enfin ils changent tout le temps. Hein. D'ailleurs, c'est dommage que vous n'ayez pas les images, parce qu'ils donnent vraiment beaucoup. Ouais, il y a de la patate. Ouais, il y a de la patate, ouais, bah c'est la disto, hein, qui fait la diff. Et on voit par exemple Kimia qui porte un espèce de costume de lapin rose. Le guitariste est habillé en genre blouse d'hôpital et tout ça. Adam Green, il a un espèce de costume d'indien avec plein de franges et puis un œil énorme au milieu. Enfin, vous voyez qu'il... Village People, quoi. Ouais, exactement. Vous voyez qu'ils se prennent vraiment pas trop au sérieux. Et les paroles de leurs chansons sont assez pareilles, assez un peu dans le grand n'importe quoi. Mais ouais, c'est très très beau. On pense pas mal aux Vaselines, hein. C'est un groupe qui a eu la postérité. C'est un groupe un vrai groupe qui est vraiment pas mal. Et que Kurt Cobain citait tout le temps, en fait. Et c'est un mélange pareil de voix d'une nana et d'un garçon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, qui tue, hein, parce que vous écoutez quand même une mission pour ça. On est d'accord, pour la ressortir en soirée et passer pour des mecs cool, alors que au fond. Vous êtes des nuls. Vous êtes. C'est pas vrai, on vous aime tous. C'est qu'en fait, Kimia Dawson, la chanteuse, était la monitrice de colo d'Adam Green quand il était petit. Et ils se sont rencontrés, il avait 13 ans, ils ont commencé le groupe alors que lui, il avait 13 ans, et devait en avoir peut-être 18. Donc le groupe de 94, et là on est en 2002, ouais, ça fait déjà 8 ans qu'ils existent. Bon, on continue, nous sommes en 2002 et sort The Seed. Hein, je l'ai bien prononcé, tu vois. The Seed. Le deuxième single du cinquième album du groupe hip-hop The Roots. Hein, c'est un groupe assez prolifique avec une dizaine d'albums depuis 93. Un morceau assez catchy qui va sans doute vous rappeler des souvenirs. Hein, un morceau qui a pas mal marché à l'époque et qui revient souvent quand il s'agit de revenir sur les meilleurs morceaux des années 2000. Hein. C'est en featuring avec Cody Chestnut, qui lui n'est pas vraiment resté dans l'histoire, hein, selon sa page Wikipédia, mais on s'écoute tout de suite The Root avec The Seed. Soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you an obstacle, she just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't to roam, where we had a before. She don't know. We in the city where the pros shake, rattle, roll, and I'm a goddamn rolling stone. I don't beg, I can hold my own. I don't break, I can hold the throne. In this way, in a ton, and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and black gold is bad. These streets, he done ran ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands, and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal, but a thousand love against my lover's will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Moi, quand j'entends ce morceau, je sais pas pourquoi, je pense à Lenny Kravitz. Je sais pas du tout pourquoi. Ah, mais... c'est le côté groovy et ouais, tout ça. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais... Enfin bref, ce morceau vous a sûrement rappelé quelque chose parce que ça fait partie de ces morceaux que t'entends dans tous les reportages des émissions à la con d'M6. Mais ils ont de très bonnes musiques, M6. Mais oui, oui, genre Maison à vendre et tout, t'entends tout le temps ça et tu retrouves jamais le nom. Et puis voilà, c'est un peu comme ça aussi que j'ai découvert le groupe. Et le groupe tourne pas mal encore. Hein, en regardant connaissez... Maison à vendre. Ouais. Et vous connaissez peut-être en tant que house band de l'émission Le Late Show de... avec Jimmy Fallon. C'est eux qui font le la musique. Saturday Night Live. Ouais, et ensuite The Tonight Show avec Jimmy Fallon encore, hein, parce qu'il l'a repris. C'est Jimmy Kimmel ou Jimmy? Jimmy c'est... Fallon, il l'a repris en fait. Et donc ils font les génériques, les ambiances sonores, et des fois ils font des sketchs aussi. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la reprise qu'ils ont faite dans l'émission du générique de Sesame Street avec des instruments pour enfants. C'est très mignon à voir. Donc juste pour finir. Si vous connaissez pas le groupe, ils ont une façon très particulière de numéroter leurs albums. Pour le premier album, Organics, donc ça va du 1 au 17, il y a 17 morceaux, hein, ça fait déjà un sacré album. Ouais. Le deuxième morceau, Do You Want More, ça va du 18 au 33. Tu vois, c'est comme ça qu'ils, qu'ils notent les... Et donc là, leur dernier album date de 2014, ça va du 160, morceau 171 au 181. Ouais, c'est marrant, j'avais jamais vu ça. Ouais, et c'est une façon un peu d'astiller une continuité dans leur travail. Hein. Ils veulent montrer qu'avant tout, leur travail, c'est toute une continuité. Et moi, ce qui m'a c'est frappé, c'est quand je suis allé voir les paroles, et là, j'ai été presque choqué. Hein. Mais tu vas tout de suite comprendre le lapsus. Hein. Et choqué parce que sous ces airs calmes, alors je vais traduire approximativement les paroles, ça raconte l'histoire d'un mec et tout ce qu'il veut avant tout c'est, je cite, hein, c'est de fertiliser les femmes et faire ça dans le dos de sa copine. Fertiliser c'est le mot hein, qui dans les paroles. Et il dit qu'il veut pousser sa semence dans le corps des femmes pour leur apporter la vie, tu vois, c'est vraiment ça que c'est écrit. C'est beau. Voilà, voilà, donc maintenant tu vas te débrouiller pour enchaîner avec ça. Eh ben, on parlait de femmes, on parlait de vie. Le prochain groupe s'appelle les Libertines. Voilà, ça ne s'invente pas. Ah, bien joué. On est toujours dans l'année 2002. Très bonne année 2002. Hein. Ouais. On a pas mal de morceaux. Attendez de voir l'année 2007. Vous n'avez pas fini d'entendre parler avec nous. À l'époque, hein, on les présentait, les Libertines, comme la réponse britannique aux Strokes. Hein, ouais. Ce qui n'est pas rien hein, quand on sait le succès du groupe. Et c'était peut-être... je ne sais pas, mais peut-être le dernier groupe pour moi de jeunes à incarner le vrai fantasme du rock, sex, drogue, rock'n'roll, voilà. Donc les bien nommés Libertines avec Deep on the Stairs, on s'écoute ça tout de suite. We'll clamber over the balcony, banging on the window, waking Steve, bringing with a true love his unholy friend, singing, if you really need it, you just won't leave it behind. So baby, please kill me, oh baby, don't kill me, but don't bring that ghost round to my door, I don't wanna see them anymore, please kill me, oh baby, don't kill me, just don't bang on about yesterday, you know I wouldn't know about that anyway. I'll go. She said to the mouse before, if she loved anybody more than me, turns you into stone. No, I'm reversing down a lonely street, cheap hotel where I can meet the past and pay it off and keep it sweet. Cause it's sweet like nothing, no, it's just like nothing at all. And I've seen you there, how could I help but stare? It rips the heart out of your baby. Taken far too much to see or think or touch what's real. Stranded on this street that made my only way home. If you really need it all, you just wanna leave it behind. Oh, please, oh no, don't kill me. Bring that ghost son to my door. I don't wanna see him anymore, please kill me. Oh no, don't kill me. Don't go on about yesterday, you know we know about that anyway, oh no. Libertine, ça repose pas mal sur les épaules de Karl Barat et Pete Doherty. Hein. Les deux seront des acteurs incontournables dans le futur du rock des 2000s. Mais pour le moment, on est toujours en 2002 et les deux bonhommes surprennent le monde entier avec une musique des plus authentiques. C'est vrai que c'est... Oui, c'est assez... ouais. Ils ont leur style, quoi. C'est un espèce de mélange assez bien fait entre un punk très mélodique, de la pop, et puis il y a un petit truc en plus. Déjà, il y a la bromance, hein, c'est une véritable bromance. Hein, on disait la dernière fois que Pete était carrément cambriolé chez Carl et tout. Ils étaient toujours prêts à se rouler des pelles. D'ailleurs, personne n'a su s'ils ont déjà couché ensemble. J'ai vu certaines images de clips qui sont assez équivoques, où ils se prennent par le bras, des trucs comme ça. Ils se kiffent. Je pense que les fanfictions, ça doit y aller. J'ai jamais regardé, mais à mon avis, il doit y en avoir des fanfictions sur Pete Doherty et Karl Barat. Mais il se complète vocalement ou cocalement, comme j'ai écrit sur mes notes. On entend Karl avec une voix assez grave et monocorde, hein, qui tient bien la route, et Pete qui chante comme ça vient, dans une certaine fragilité. Hein. Les deux, je trouve qu'ils se confondent vraiment à merveille. Un qui tient sur les épaules. C'est un peu un dialogue entre deux voix. Hein, en plus, c'est complètement sien. Et puis, bien sûr, ils avaient les chansons, hein, comme Deep on the Stairs, par exemple, qui est vraiment génial. Hein. La progression des accords et tout ça est vraiment super bien. Et puis leur album dont est tiré Up the Bracket, c'est quelque chose. Ajouter à tout cela, ça serait trop facile sinon, un côté dandy extrêmement soigné et destroy à la fois, des références à toute la culture des poètes maudits, Baudelaire, comment il s'appelle, Arthur Rimbaud. Ah oui, Rimbaud, Rimbaud 1, Rimbaud 2. Bernard-Henri Lévy, c'est tout ça, Oscar Wilde. Ouais. Et un mode de vie d'ailleurs assez similaire, hein. Le succès est au rendez-vous du coup, et ils deviennent à l'époque, hein, les rois de Londres, les King of London, comme disent les Américains. Comme dit Nelson Montfort aussi. Les Kings of London. Doherty se tape Kate Moss, qui à l'époque était quand même l'icône absolue de la mode, on va pas se mentir, Kate Moss était un stylo avec des cheveux certes, mais un super stylo avec des super cheveux. Et à l'époque, les deux amoureux se droguent ensemble, hein. C'est un peu le Sid et Nancy moderne, hein, n'ayons pas peur des mots, à quelques différences près évidemment, il est pas mort, hein, Pete Doherty. Et la suite des aventures d'Elite est chaotique, on en parlait dans l'émission précédente, jusqu'à leur troisième album qui est sorti l'année dernière. Il est donc question de capturer l'instant de flamboyance des 4 Boys in a Band en 2002 où tout leur réussissait, où ils ont relancé la machine du rock'n'roll anglais pour un dernier tour de piste et influencé une génération entière au même titre que les Strokes. À vrai dire, moi j'ai toujours préféré les Libertines. Et c'est à toi de continuer justement. Ah mais oui, c'est à moi c'est de continuer, toi, je prends deux morceaux. Je fais le signe, mais oui en fait j'ai deux morceaux de suite. Ben, on va rester en 2002. Pardon, excusez-moi. Non, me signale. Si, en 2002, on me signale dans l'oreillette que c'est bien en 2002. Vous vous souvenez des Moldy Peaches? Ouais. Vous avez une mémoire très courte. Je me souviens comme c'était il y a un quart d'heure. Ah, c'est vrai, moi aussi. Et ben là, on va se délecter d'Adam Green en solo avec Dance With Me. On s'écoute ça tout de suite. Heart and soul, baby, there is no goal. Turn the lights on bright, you're a rock and roll star. Feel my love coming from the heavens above. When my eyes meet your eyes, you know it's true. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Lost and I'm at home, and nobody wants to be here alone. Ooh, babies in mint condition. Man, I'm doing some dirty wishing. Let's both get on that rocket to the stars. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. TV ce solo de guitare légendaire, très joli, anti-long sur les prétentions d'Adam. Il est capable vraiment du meilleur comme du moins meilleur. Mais là, on tape dans le grandiose. À mon humble avis, hein. Ce type excelle quand il se prend pas au sérieux. Actuellement, par exemple, il a fini de tourner un film sur Aladdin qui va être présenté à Paris. Ah oui, avec Kev Adams, ça. Non, c'est pas ça. Tourné sur des décors en carton-pâte, hein, ultra coloré, genre votre petit frère de maternelle qui aurait fini son devoir de peinture. C'est vraiment de ce niveau-là. C'est magnifique, hein. Il y a le premier clip, parce qu'il y aura aussi en fait un album qui va sortir, qui va être la BO du film qu'il a fait, Adam. Et c'est magnifique, il y a tous ses potes, hein, dont Macaulay Culkin, Maman, j'ai raté l'avion. Lui aussi, c'était un stylo avec des cheveux. Hein. Voilà, qui après a joué à Maman, j'ai raté la veine. Ouais, pour reprendre ce même très connu. Bon, l'extrait, hein, reconcentrons-nous s'il vous plaît. Qu'on vient d'écouter, tiré de son premier album solo qui s'appelle Garfield, comme le chat Garfield. Très exactement, là, c'est la version de l'EP que je vous ai mis. Elle est un petit peu différente, mais pas trop. Hein. On entend quand même le solo de guitare sur les deux. Ne vous inquiétez pas si vous avez acheté l'album trop vite. D'ailleurs, cet album, hein, il renferme de vraies petites perles anti-folk, genre Mozzarella et Svastika, c'est une histoire de Mozzarella et de Svastika. Ou My Shadow Takes On Behind, hein, qui sont des très très belles ballades, aussi belles que Barry. Il y a Baby Gonna Die Tonight, Dance With Me, du coup. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de très bonnes chansons, mais il était obligé d'attendre son deuxième album pour avoir du succès. Il s'appelle Friends of Mine et la chanson Jessica, hein, qui parle de Jessica Simpson, qu'il n'a d'ailleurs jamais rencontrée. C'est un grand copain des Libertines, c'est aussi, hein, faut le savoir. C'est comme ça que moi j'en ai entendu parler pour ma part au début. Parce qu'en fait, les Moldy Peaches avaient repris une chanson des Libertines. Ah bah oui. Et vice versa, les Libertines ont repris une chanson des Moldy Peaches qui s'appelle Ousgog de crack. Enfin voilà, pour résumer, Ardem, c'est un artiste, réalisateur, chanteur, peintre très atypique et en même temps très authentique, comme on en voit rarement. Un respect pour Adam Green. Et donc, seul morceau de 2003, hein, qu'on a, désolé, on a que ça en boutique. Hein. Ah, désolé. Et figure-toi qu'on est en 2003 et on est à la cinquième émission d'ailleurs, et j'ai toujours pas parlé de Weezer. C'est vrai. Alors que c'est un groupe que j'aime bien pourtant, enfin pas tout Weezer, hein, mais j'y reviendrai plus tard. Alors j'ai légèrement triché puisque le morceau il est enregistré en 96 mais il est sorti uniquement en 2003, hein. Désolé, j'ai triché. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment Weezer non plus, hein. J'ai encore triché, c'est juste le chanteur Rivers Cuomo qui a enregistré, le morceau parmi d'autres pour un album qui restera un projet avorté. Hein. Ah, moi je les avais vus à la télé, Weezer. Ouais, ouais, exact. Songs from the Black Hole, hein, le projet avorté. Excusez-moi. C'est un album plein de raretés qui est pas si mauvais, hein, franchement. Il y a deux versions de ce morceau, j'ai choisi la version enregistrée avec les autres membres de Weezer justement. Donc c'est Weezer. C'est presque Weezer, on va dire. C'est un peu compliqué, hein. C'était un bordel à l'époque, je te raconte pas. On s'écoute tout de suite You Won't Get With Me Tonight, hein, de Weezer, Rivers Cuomo, hein, comme vous voulez. On s'écoute ça tout de suite. Who you calling, bitch? Don't you listen to a word they say. They make me so mad. I don't care about them anyway. I wanna ça me rappelle cette bonne vieille période de Weezer où Weezer justement faisait des bons albums. Hein. Weezer et moi, c'est une longue histoire d'amour et de désamour, hein, parce que pour ceux qui disent d'ailleurs qui ne connaissent pas, eh bien en fait ils se trompent, tout le monde connaît un peu Weezer, parce que vous avez déjà tous déjà entendu au moins une fois leur plus gros carton, Island in the Sun, ça fait la pub, la pub où le mec est en chocolat. Et oui, voilà, la pub pour les assurances et tout, il y en a plein. Je vous ferai écouter le petit hip hip en fond, vous allez voir, vous allez tout de suite reconnaître. Alors brièvement, si vous voulez découvrir le groupe en détail, je vous conseillerais avant tout les deux meilleurs albums qui sont, et je pense que Noé, tu seras peut-être d'accord avec moi si tu connais, The Blue Album, The Blue Album et Pinkerton. Voilà, bon, on est d'accord, hein, parfait. On fait vraiment un bon duo dans cette émission, ouais, on est tout le temps d'accord. On fait qu'un, quoi. Ouais, donc c'est à savoir, ce sont les deux premiers albums. Alors après, les albums sont pas franchement aussi bien, hein, sans compter que les derniers albums sont, à mon sens, pas très très bons. Enfin, je veux dire, globalement, les albums sont pas bons, mais il y a des petits morceaux qui sont pas trop mauvais, quand même. Mais bon, faut savoir que le groupe aussi a une grosse image de geek, parce que quand on voit certains de leurs clips, il y a plein de mèmes internet dedans, ou par exemple, lorsqu'ils ont sorti un album qui s'est appelé Hurley, avec en couverture sur la jaquette un portrait de Hurley dans Lost, c'était assez génial à l'époque. Donc, pas un très bon album, d'ailleurs. Oh, il est moyen. Mais le dernier a l'air pas trop mal. J'espère que ça va être. J'espère avoir des bonnes surprises. Hein. Donc, Weezer, c'est un groupe que t'as beaucoup écouté, ou toi, ou pas? Ouais, bah. Surtout depuis que je te connais, en fait. Hein, mais j'ai beaucoup écouté Pinkerton et le Blue Album. J'adore Say It and So. C'est vraiment une chanson que je trouve incroyable. En tout cas, j'ai essoré le 2-3 premiers albums. J'ai vraiment adoré. Et je crois que c'est moi qui vais continuer. Hein. Je vais entamer. Ouais, bah oui, j'en ai eu deux de suite. Hein, J'en ai deux de suite. Donc, je vais attaquer les années 2005. Hein. Et bien sûr, hein, une fois n'est pas coutume, un peu de Damon Albarn. Tu sais que je l'aime, hein, Noé Damon Albarn. C'est vrai. Je peux pas m'en empêcher. Hein. J'ai vu le poster de Damon au-dessus de ton lit. Ouais, il était nu. Et cette fois-ci, il sera pas question de Blur, mais de Gorillaz, puisqu'en 2005, hein, sort le deuxième album studio de Gorillaz, un excellent album, hein, sous le nom de Damon Days. Et parmi les titres, le fameux single qui a permis, en quelque sorte, d'asseoir la popularité de Gorillaz, hein, Feel Good Incorporated. Je ne sais pas comment on le dit vraiment. Feel Good Inc. Incorporated. Feel Good Inc. Donc, sans plus attendre, profitez de l'année 2005 avec Gorillaz et Feel Good Incorporated. Let's break it down on a camel's back. Eh, on se sent pas bien là ? Ah, ouais. Si. Alors, à savoir qu'ici, le morceau est en featuring avec De La Soul, c'est un trio hip-hop assez emblématique de la scène new-yorkaise, et d'ailleurs, ils le rendent bien à Damon Albarn, parce qu'ils lui ont proposé un morceau en featuring dans leur nouvel album, qu'ils ont crowdfundé et sorti l'année dernière, justement. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien Gorillaz, c'est un groupe un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un groupe virtuel, c'est-à-dire que les membres du groupe n'existent pas réellement, hein, dans le sens où ce sont des personnages animés, quoi. Et donc qui ont leur propre histoire qui va être développée à travers les clips. Et l'histoire de Gorillaz ici, c'est l'histoire d'un bassiste qui est le chef d'une bande de loubas, hein, Murdoch. C'est un personnage un peu sale, un peu vicieux, un peu puant, quoi, un peu dégueulasse. Ouais. Et il décide de monter un groupe et il va s'entourer de Toody, hein, c'est un petit vendeur de BD, de CD qui est tout chétif, tout petit, hein, et de Noodle, hein, c'est une petite japonaise de 10 ans qui fait de la guitare et du karaoké, et de Russell. C'est un batteur qui est possédé par l'esprit de ses amis morts durant une guerre de gang et qui prennent possession de son corps pour jouer et rapper à sa place. Et on voit ça souvent dans les. Il y a que Damon Albarn pour trouver des trucs. Ah, bah c'est complètement débile. Bah, il fait ça avec James Hewlett, c'est un dessinateur aussi. Donc si vous voulez découvrir Gorillaz, hein, n'hésitez pas, les albums sont bien. Franchement, vous serez pas déçus. Alors Cocorico. Oh merde, ça va parler français. Voilà, tu vois qu'on n'est pas tout le temps d'accord. Un peu de rock français, hein, pour pouvoir être labellisé nos régions du talent. On a un quota à remplir. Et c'est moi qui m'y colle comme d'habitude, mais t'inquiète pas. Chemical Brothers. T'inquiète pas. Oh, pas mal. Chemical Brothers. Mais t'inquiète pas Vincent, hein, j'ai pensé à toi, et ils chantent en anglais. Ah bon, ça va alors. C'est les Parisians avec Why Choose One Side, on s'écoute ça tout de suite. Tout de suite. Parisienne, c'est un peu hein, le groupe de base de toute la scène parisienne, hein, dont on se rappelle pour le coup, qui va même déboucher, comme chacun sait, sur Bébé Brune, les Nastes. Et les Plasticistes. Oh mon dieu, les Nastes. Pour le succès national, surtout les Bébé Brune. Je résume à mort, hein, mais c'était cool à l'époque, il y avait plein de petits groupes partout, toujours des nouveaux trucs à écouter. Je vous dis, Parisienne, c'est un peu le groupe fondateur. parce que selon la légende et selon le très bon livre de Busty, hein, une journaliste au nom équivoque, les Parisiens, ils ont rentré les Libertines à Paris en campant dans un bar près de leur hôtel. Ils buvaient des pintes et ils attendaient de les voir. Et il y avait le futur chanteur des Parisiens, hein, Stéphane, et Michael, le futur guitariste. Et les deux vont se lier d'amitié avec Pete Eckard, qui se faisait bien chier à l'époque. Hein, c'était en 2003, ça allait pas bien entre eux. Et puis ils écrivaient en fait leur deuxième album à Paris. Ils fondent donc les Parisiens, Stéphane et Michael, avec deux autres types, et font un premier concert au Bar 3, qui va devenir le haut lieu du rock parisien, le Bar 3, avant que Maneuf déménage tout le monde au Gibus pour les Rock'n'Roll Friday. Malheureusement, le groupe est un vrai groupe maudit. Franchement, ils se séparent en 2005, ils se reforment en 2006 et sortent en 2008 un premier EP qui s'appelait Alésia EP, d'où est tiré White Shoes One Side. Là, je vous ai mis la version de l'album, mais au départ, elle est sortie en 2008. C'est assez classique, mais il y a plein de trucs indéniables. Il y a un espèce de charisme juvénile, hein, dans la voix de Steven, je trouve, qui est assez particulière. Puis franchement, quand la moitié de la planète est fan de Foo Fighters, je vois pas pourquoi le classique ça dérangerait. C'est vrai. Ils ont sorti un bon album en 2010, hein, Shake the Ashes of Your Enemy. Hein. Donc ça tape, hein, ça tabasse. Mais malheureusement, ça a pas marché. Il y avait les chansons Just Like You, Time for Nothing More, qui étaient géniales. Hein. Et avec deux EP en 5 ans, hein, le groupe prévoit de nouveaux concerts en fin du mois à Paris, là, le 23 avril. Et il passe avec un autre groupe dont on reparlera tout à l'heure, et ça risque d'être fort sympathique. Je vous encourage à y aller, hein, nos auditeurs parisiens. En tout cas, ce qu'on peut dire de par l'histoire des Parisiennes, c'est qu'à mon avis, ça deviendra un groupe culte du fait de son histoire. Et peut-être, qui sait, que le succès viendra un jour. Allez, un petit Jack White pour continuer. On est en 2006, hein, enfin plutôt Jack White dans un de ses nombreux side projects. Hein. Je vous rappelle qu'à la base, que Jack White, c'est le cofondateur des White Stripes. Hein, avec Meg. Mais point de polo popopo ici. Hein. Ici, on va s'écouter The Raconteurs, hein, qui a justement ouvert très fort avec le premier morceau de leur premier album, Broken Boy Soldiers. Et le morceau en question, c'est Steady As She Goes, hein, sorti en 2006. Donc c'est parti pour The Raconteurs avec Steady As She Goes. Hein. C'est parti, on s'écoute ça tout de suite. Yeah. un premier album franchement bien accueilli par la critique pour ce super groupe qui regroupe donc Jack White de White Stripes, Brendan Benson qui lui travaille essentiellement en solo avec John Benson. Brendan Benson, ouais, Jack Lawrence des Dead Weather et d'autres musiciens en parlait. Qui n'existait pas encore d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Dean Fertitta des Queen of the Stone Age, enfin il a travaillé avec Queen of the Stone Age. Bon voilà, ça fait du beau monde tout ça, et au-delà de ça, pas grand-chose à dire sur ce groupe, parce qu'ils ont presque disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Hein. C'est hop, je te fais deux albums, on rafle quelques prix, c'est voilà. Plié, on remballe. Hein. Puisque le groupe a tourné de 2006 à 2010, et puis plus rien. Hein, pour autant dire qu'on va pouvoir attendre longtemps avant un nouvel album, parce qu'ils sont tous très occupés apparemment. Hein. Ouais. Ils se sont revus l'année dernière, je crois, pour faire un morceau sur scène. Et plus rien. Va faire Tita avec Iggy Pop en ce moment. Bon, bah oui, il est avec Josh Homme, Iggy Pop. Voilà, Matt Elders. Pour Post-Pop Depression, c'est exactement. Ça. Ça a l'air d'être un très bon album, ça. Ouais, c'est chouette, c'est un très chouette album. Justement, juste pour finir, le thème de la chanson est assez rare parce qu'il se situe un peu aux antipodes des gros standards du rock. La chanson parle juste de s'installer dans une petite maison avec sa femme et de vivre une vie tranquille, paisible. Hein. Alors là, on est très loin des autres considérations des gros stars du rock avec la drogue et puis les vies effrénées. Hein. Ouais, c'est vrai, ça change. Bon, on va enchaîner avec MGMT. Hein. Eux aussi, on en a parlé dans l'émission précédente, mais tellement ils sont cool, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, on va remettre un morceau d'MGMT parce que c'est quand même dans les années 2000. Ah, t'imagines quand il n'y aura plus de quoi mettre de morceaux d'MGMT, on aura l'air con. Hein. Ouais, bah, d'ailleurs, retrouvez notre nouveau podcast sur MGMT, ouais. La semaine prochaine. Bon, The Use, MGMT, on s'écoute ça tout de suite. This is a call to arms to live. La classe quand même, hein. Je me souviens, mon rêve, c'était d'être Andrew von Weingarten, le chanteur du groupe, hein. Mais j'ai abandonné parce que les bandanas, ça m'allait pas du tout. Je vous jure que c'est vrai, j'avais fait des essais et tout. Enfin bref, ça parlait hein, de... On parlait la dernière fois de l'excellence du premier album, je sais pas si tu te souviens. Oui. Je trouve que The Used synthétise bien tout ce qu'on trouve sur le disque, hein. Le côté calme et reposant, puis le côté groovy, les chœurs assez planants, le jeu de basse assez mis en avant, juste avant l'arrivée des claviers qui prennent le pas. Hein. C'est une belle manière d'illustrer tout ça, je trouve, sur un seul morceau. Bon, bien sûr, sur Oracular Spectacular, c'est le nom du CD, il y a un côté très dansant hein, qui vaudra au groupe le succès de dingue avec des Kids et des Electric Feel hein, qui sont quand même... Des... Kids, bon, Kids, mais Electric Feel, c'est de la bombe, hein. C'est okay. Un truc de fou. Hein. The Used, ça parle en gros de rébellion, d'amour et de changement et de jeunesse, c'est quand même beau. Hein. Ah bah oui. Sur le Genius, il parle de moderne hippie, et je trouve ça assez bien vu. Il y a une certaine mélancolie qui se dégage du morceau, et qui colle quand même vachement bien à notre époque. Hein. Vous voyez bien les bobos et les arocs, ils jurent que par PNL, je sais pas si tu connais. C'est Moi, je suis PNL. Ouais, voilà, c'est ça. Ils écoutent tout ça alors que c'est vraiment de la grosse merde, tu vois. Mais c'est mélancolique en fait. Et là, on vous offre de la mélancolie haut de gamme hein, avec aussi Pieces of What ou Weekend Wars hein, qui sont tous sur le même album. Donc il faut en profiter. Et sinon, pour finir aussi, il y a la remix de Justice d'Electric Feel qui est terrible, qui est énormissime. Hein, c'est, voilà. Donc si vous avez envie de vous écouter un bon petit truc. Bon, moi j'enchaîne avec un groupe pas forcément connu. Hein, on se dirige du côté de l'Angleterre avec The Ivy, ce que tu connais. Ah, les vidéos de skate. Ils utilisent tous The Ivy. Et ça, c'est mon papa qui me l'a fait découvrir il y a plusieurs années maintenant. Hein. The Ivy, c'est de la grosse guitare avec des pointes de blues, de la soul. Ouais, de la pas. Soul. Ah, ouais, comme Gorillaz. Du funk. Quelques albums déjà à leur actif. Hein. Le premier, c'est Great Vengeance et Furious Fire. Sur lequel on va s'écouter In The Morning, hein. C'est un morceau qui n'est pas forcément le plus emblématique de l'album, mais dont j'aime beaucoup l'énergie, donc je vais pas me priver pour le mettre. Donc tout de suite, The Ivy avec In The Morning, on s'écoute ça tout de suite. Take Et à savoir que le nom de leur premier album, hein, Great Vengeance and Furious Fire, ça fait directement référence à une citation de Jules Winfield. C'est qui Jules Winfield? Ça te dit rien, ça? C'est le chanteur de rap? Non, c'est le personnage joué par Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. Ah oui, mais oui, Jules. Et oui, et puisqu'on parle média, hein, même si vous ne connaissez pas directement le groupe, vous avez forcément déjà entendu un de leurs morceaux, parce qu'on les entend dans un assez impressionnant de film, de série, de vidéo de skate, apparemment, comme tu me disais. Et ben en fait, je vais faire un démenti, parce que c'était pas eux. Ah, tant pis. Donc on peut les entendre dans Vampire Diaries, Entourage, Community, mais aussi c'est grâce aux jeux vidéo en quelque sorte qu'ils ont acquis une grosse renommée, parce que un de leurs morceaux a eu le privilège d'être choisi pour être le thème de Borderlands 2, je sais pas si tu connais. Si, le jeu vidéo en cel shading. Exactement, aussi dans Sleeping Dog, hein, l'espèce de GTA en Chine ou au Japon, je sais plus. Et aussi Barack Obama se servait des fois d'un de leurs morceaux pour faire son entrée dans les meetings, tu vois. pendant les élections présidentielles, c'était assez fou. Donc maintenant vous allez me filer écouter ce groupe, hein, vous serez pas déçus, franchement. On retourne en France? Ouais. Encore un groupe de petits Renault qui chantent en anglais, hein. Victor Hugo aurait mal, mais les Français chantent très bien en anglais. Second Sex avec Love's Gone Bad, on s'écoute ça tout de suite. I feel a fountain in my brain, ice cold water running through my vein. Got the taste in my mouth from bitter tears. I'm feeling sad cause love's gone bad. I see a rainbow, all black. Must be a sign that you ain't coming back. Wake up at night, calling your name. I see your face on my window pane. I've been this way since you've been gone. Without your love, I just can't go on. Now where the love you promised me, and where the tenderness to comfort me, oh. Every time some love I choose, I seem to always be the one to lose. Bad taste in my mouth from bitter tears. Oh, I'm feeling sad cause love's gone bad. I see a rainbow, all black. Must be the sign that you ain't coming back. La chanson, en fait, c'est une reprise d'un vieux titre de la Motown de 1967, écrit par le légendaire trio Harlan Dozier et Harlan, oui, dont on a déjà parlé ici même. Le titre figure sur la face B du single de Second Sex, Le Monde est Silencieux, et j'étais déjà assez surpris de voir qu'ils étaient allés chercher dans le catalogue de la Motown, même si leur version ressemble plus à la version des Underdogs, un petit groupe de rock anglais, de pop anglais même, qui avait déjà repris le titre en 67. Hein. À l'époque, un titre sortait, boum, on le reprenait direct et on le ressortait direct. C'est comme ça que ça se passait. Les mecs, ils perdaient pas de temps. La voir semble vachement, hein. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Je vous encourage à essayer de comparer les deux, c'est assez drôle. Second Sex, du coup, c'est un autre groupe parisien de bébés rockers, comme on les appelait à l'époque, et pas les moins talentueux, hein, et pas les plus vieux non plus. Ils avaient entre 15 et à peu près 18 ans, hein, quand ils ont commencé en 2004. Si jeune, ça m'énerve. Ah, ils disent avaient du succès et tout. Hein. Ils ont sorti un album en 2008 intitulé Petite Mort, hein, qui est Petite Mort, c'est l'orgasme. Ouais. Et puis après, plus grand chose. Hein. Ils avaient des super compos, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu mal vieilli. Ou alors c'est moi qui ai vieilli, je sais pas, ça sonne assez gnangnan aujourd'hui et c'est dommage. L'album avait quand même été produit par Pell Gunderfelt, qui est peut-être le Randy Fitzsimmons des Hives. Ouais. En tout cas, c'était leur producteur hein, sur tous les bons albums des Hives. Ils sont sûrement inspirés, je pense, de l'histoire. Hein. Donc, voilà, c'est. Et du coup ils sont pas produits quand même par n'importe qui et en fait je trouve que l'album, et peut-être c'est ça le problème, est trop produit. Moi j'aurais bien aimé un album un peu plus crade, un petit peu plus énergique, garage, moins tout poli comme ça, mais bon ils l'ont sorti vite et puis ils étaient jeunes hein. Mais c'est dommage hein, ils font un concert avec les Parisiens en fait. Alors on a toujours pas parlé d'Arcade Fire en 5 émissions, je te propose qu'on remédie à ça. C'est l'émission où on parle des chansons dont on n'a pas encore parlé. Exactement, donc avec un morceau que j'adore, hein, Intervention. Arcade Fire, c'est un groupe canadien qui, disons-le, est assez emblématique depuis dans les années 2000. Hein. Ouais. Un groupe de rock très arty, très baroque certaines fois, hein, ça va se vérifier dans le morceau que je vous propose. Hein, il s'agit d'Intervention, c'est tiré du second album, Neon Bible. D'aucuns diront que c'est le plus emblématique. Hein, et vous allez tout de suite sentir le côté baroque avec les orgues et tout. Donc Intervention par Arcade Fire, on s'écoute ça tout de suite. Cutting off the phone, I tell them you're not home. No place to hide, you're fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, still nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, go at it alone. I can taste the fear, lift me up and take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die, just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Every pendant que Noé renifle et se mouche. Tu les sens, ces orgues là? Ah, c'est beau. Ces orgues mélodieuses, parce qu'on dit mélodieuses au pluriel pour un orgue. On dirait le mélange entre un enterrement et. Ouais, ça, voilà, c'est, ça donne. Et un enterrement. Ouais, voilà, ça donne un côté vraiment religieux au morceau. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, en plus, Neon Bible quoi. Oui, oui, exactement, dire. Oui, oui. Et ce qui frappe avant tout, je sais pas si tu les... C'est ses mains si, ouais. Si tu les as déjà vus en live, Arcade Fire. Ouais, ils font des lives très théâtraux. Ouais, il y a une profusion d'instruments. Alors, il y a les traditionnels. Oui, exactement. Je sais pas. Il y a les traditionnels, c'est guitare, basse, batterie, etc. Après, t'as le piano, le violon, la contrebasse, le xylophone. D'ailleurs, il y a un violoniste dans le groupe. Ouais, il y a le synthétiseur, il y a le Glockenspiel, bien sûr, pour nos amis allemands. Il y a l'accordéon, un petit côté franchouillard, parce qu'il parle français aussi. Il y a un peu beaucoup des chansons à l'accordéon. Ouais. De la harpe, de la mandoline, j'en passe. Donc, c'est très, très. Il y a beaucoup, beaucoup d'instruments. Et c'est aussi un groupe qui cultive pas mal les expériences un peu étonnantes. J'ai pu voir une vidéo où on les voit faire un live, je crois que c'était un morceau de Neon Bible, dans un ascenseur. Donc c'est très exigu, c'est très de la intimiste. Musique d'ascenseur. Et ce qui m'avait frappé, c'est que le batteur, en fait, au lieu d'amener sa batterie justement dans un ascenseur s'il n'y avait pas la place, et ben il jouait, pour donner le temps, devine, il jouait du magazine. C'est-à-dire qu'il avait pris un magazine, et pour donner le temps, il déchirait les pages comme ça. Et puis ça rendait très très très bien. J'espère donc, qu'il a pas pris un petit quotidien parce qu'il n'a pas fait une longue chanson. Non, mais il a enlevé que les pubs. Hein. Il a pris Marie-Claire et il a enlevé les pubs. Et donc, c'est très très rigolo. Je mettrai le lien sur la page si je retrouve la vidéo. Et je pense qu'on va pouvoir continuer parce que je continue. Figure-toi, parce qu'on est encore en 2007. Hein, et, oui. Et je prends la suite. D'ailleurs, on vous l'a pas dit, mais c'est le combienième morceau de 2007 morceau que vous avez mis, hein, ouais, parce que Non, c'est pas le troisième morceau de 2007. C'est le 1, 2, 3, 4, c'est le cinquième morceau de 2007. Bah, ouais, on va encore en mettre un tout à l'heure, de toute façon. Oui, parce que peut-être qu'en 2007, on était plus on a, c'est peut-être là qu'on a plus découvert notre sens, de sens musical, je sais pas. On commençait à être un petit donc, peu moins... Je un petit continue, peu plus... et on va s'écouter un petit peu de Midnight Juggernaut, c'est ce que tu connais. De nom. Ah, de nom. Et ben en fait c'est un groupe que j'ai découvert franchement au hasard à une époque où je regardais encore la télé, où il m'arrivait de, quand je me couchais tard, bah, de zapper dans les sur les chaînes genre Direct 8, NT1 ou Virgin 17 avec l'équipe. Ouais. Et j'étais tombé sur ce groupe, hein, c'était le morceau, c'était Shadows à l'époque, ça m'a bien branché, j'ai écouté l'album Dystopia. Et l'album est franchement très très bon et je pense que c'est un album que j'écoute encore beaucoup régulièrement et j'ai choisi justement Into the Galaxy de Midnight Juggernaut. On s'écoute ça tout de suite. Alors là aussi, il y a du synthé, hein, franchement. Of the ocean. attention. United Nations, interrelations, a declaration of hypertension. Emerging summits, preemptive plummet. We drop atomic to shooting comets. The controversial, ultra commercial, now universal. GLORIA. C'était pas mal, hein? Ah, c'était cool. Ouais, alors c'était bon, chouettos. L'album est bon, donc j'aurais pu choisir plein d'autres morceaux. Donc Midnight Juggernaut, ce sont des petits gars de Melbourne en Australie, mais même s'ils restent relativement peu connus en France, ils pèsent dans le game, hein, tout de même, comme disent les jeunes, hein. Puisque parmi leurs fans, on compte Daft Punk ou Justice, entre autres, donc ils sont assez reconnus. C'est ce qu'on se disait dans la chanson, ça ressemble exactement à du Justice. Ouais, ouais. Et Dystopia en premier album, pas mal de succès, puis complété par deux autres albums, The Crystal Axis et Uncanny Valley, que j'ai moins écouté, mais qui sont bons. Hein. Mais Dystopia, c'est un de ceux que j'ai le plus écouté. Alors en fait, c'est un peu difficile de définir leur style, parce que je crois qu'eux-mêmes, ils ont du mal à le définir, hein, justement. Et ce qui est rigolo pour le dernier album, c'est que pour l'écrire et le composer, ils se sont retranchés dans une petite église, dans une vieille église dans la Loire, en France, et ils ont sorti leur clip de manière complètement anonyme, en se faisant passer pour un groupe de pop soviétique des années 80, pour brouiller les pistes, c'était assez rigolo à voir. Mais justement, on arrive à la fin de cette émission, de cette playlist, hein, c'est triste, mais merci à tous de nous avoir suivis, merci Thomas de faire des gestes à côté. Et il fait atterrir des avions, Thomas, à côté. Et merci aux gens qui nous font des retours, on en a eu quelques-uns, ça fait plaisir. Hein. Ça fait très plaisir, ouais. Et donc on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver dans onsécoutesatoutdesuite.podcloud.fr. Profitez-en pour vous abonner au flux, hein, podcast addict, blabla, tout ça. La page facebook.com/onsécoutesatoutdesuite. Et merci également Noé, hein, toujours un plaisir de faire cette émission avec Mais toi. Mais plaisir hein. partagé. Et justement, ça va être à toi, je vais te laisser parler, ça va être à toi. C'est toi qui vas avoir la lourde tâche de terminer cette émission. Vas-y, c'est à toi. Alors, en fait, j'avais pas capté que c'était le dernier morceau que j'avais. Du coup, j'ai écrit une super long texte sur l'article conquise, parce que j'adore vraiment l'article conquise. Du coup, je vais quand même vous en faire profiter, ce serait trop dommage. Alors, je me souviens, mettez-vous dans le contexte, hein, je me souviens de quand la chanson Crying Lightning des Arctic Monkeys est sortie. Hein. On s'attendait tous en fait à quelque chose qui sonnait très indie rock, hein, comme leur précédent disque. On voulait un autre When the Sun Goes Down ou un autre Fluorescent Adolescente. Et puis sort cette espèce de chanson que vous allez entendre tout à l'heure, cette chanson baveuse à des années-lumière de ce qu'on attendait. Imaginez le choc, quoi. Mais après, des dizaines d'écoutes, on s'est mis à l'aimer et même à l'adorer, au point de la considérer, elle et le reste de l'album, hein, Humbug, comme une des meilleures choses que les Arctic Monkeys aient sorties. La capacité du groupe à se réinventer constamment est vraiment assez incroyable, hein, en témoigne leur dernier disque AM qui a cartonné, hein, et qui ressemble pourtant à rien d'autre de ce qu'ils faisaient d'habitude. Ça vient de la production aussi, de Josh Homme qui est derrière. Hein. Qui est derrière, mais il a quand même une capacité à se réinventer assez énorme. Ouais. Bref, pour l'album Humbug ou Finger Crying Lightning, ils sont partis en fait d'Angleterre à cette époque-là et ils ont immigré aux States, chez, justement en Californie, chez Josh Homme. Hein. Ouais. Josh Homme, c'est une légende du stoner, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un espèce de hard rock très heavy, très sombre, grâce à son groupe Caius. Puis après, il a fondé le groupe Queen of the Stone Age et a connu un immense succès commercial avec l'album Song for the Deaf. Le jeu de mots, hein, là, son chanson pour les sourds. Voilà un géant roux qui se drogue et qui picole et qui fait du rock avec des énormes burnes. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que pour les Arctic, qui était alors un groupe d'ados tout frêle et tout chétif et tout naïf, s'est transformé en un groupe de mecs en fait. Ça a été l'album de la maturité pour eux. La transformation physique était dingue. Hein. Je me souviens encore la première fois où j'ai vu les photos de presse, les toutes premières qu'ils avaient fait après leurs deux ans d'absence. Je les ai même pas reconnus, je me suis dit, mais c'est pas les Turner, ils ont changé. Hein. Ouais, ils ont changé de groupe et tout ça, c'est pas possible. Voilà que les petits gars tout boutonneux et tout ça étaient devenus tout barbus, cheveux longs, les pectoraux acérés par Alex Turner, bien sûr. Hein. Ils avaient vraiment rien à voir. La musique aussi, elle a mûri, elle est plus sombre, les textes sont plus abstraits, ils sont très très beaux. Écoutez ne serait-ce que les trois premières chansons de l'album, hein, le triptyque infernal, ils dégagent une force assez fabuleuse. My Propeller. Crying Laughing et Dangerous Animals. À mon avis, c'est un disque qui va bien veiller, hein, même si beaucoup affirment le contraire. Il y règne une atmosphère singulière, hein, comme dans tous les grands albums en fait. On sent qu'il y a une continuité dans les morceaux. Je ne saurais que vous conseiller Humbug. Un vrai choc et pour moi une bonne manière de finir ces années 2000 un peu insouciantes dans le rock, un petit peu indépendante, avec un rock plus heavy. Hein. Les années 2010 seront heavy ou ne seront pas. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile. Little game you had called crying lightning.